toi que je trouve la paix. Tu es la source de ma joie. Tu es ma force dans l'épreuve, Seigneur. Tu es mon espoir, mon abri sûr. Pour moi. C'est un refuge pour moi, pour moi. Ta présence est un refuge pour moi. Merci de me rassurer et d'éclairer mon Seigneur, tu me combles de tes grâces comme une fleur a besoin d'eau. Mon âme a besoin de toi, Seigneur. Ta présence te rempart, El Shaddai. Pour moi, Seigneur.